Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Une grande bénédiction pour ceux qui se connectent, qui doivent se connecter tout à l'heure et qui vont se connecter dans les jours à venir parce que, après avoir prêché toute la matinée, ça a pris deux messages de prédication. Et de nouveau, je suis obligé de reprendre la parole parce que vous avez sur cette image ce qu'on appelle la Bible de Satan. Et l'auteur de cette Bible, c'est Anton Zadar LaVey, qui est donc un sataniste de haut rang et qui a écrit la Bible de Satan, inspirée toujours par télépathie. Et si je reviens sur le problème de la télépathie, c'est pour que c'est un outil satanique très puissant dans ce monde. Il utilisait ça pour détruire la plupart, une grande partie de l'humanité, si oui, 6 millions, 6 milliards d'habitants, parce qu'il n'y a pas, il y a moins d'un milliard d'habitants qui est réellement converti, moins d'un milliard de personnes réellement converties. Et vous avez 6 milliards de personnes qui croient à ces mensonges de Satan. Vous avez là la Bible de Satan. Et qu'est-ce qui est écrit dans cette Bible de Satan? Et vous avez premièrement, c'est les dieux du sentier de la main droite se sont chamaillés et querellés depuis l'âge des temps. Chacune de ces déités, eh bien, leurs prêtres et prêtresses respectives ont tenté donc de prouver la sagesse de leur dieu dans les mensonges. Il appelle ça les mensonges. Donc, la vraie Bible, c'est ça. C'est ce que la Bible, ce que Satan appelle les mensonges. L'âge glaciaire de la pensée religieuse peut seulement durer un temps limité dans ce grand projet qu'est l'existence. Satan attaque, il ne veut pas que nous puissions découvrir tout ce qui est dit et nous allons découvrir, nous allons faire des commentaires beaucoup plus bibliques là-dedans. Donc, il est dit ici d'une manière pertinente que les dieux du sentier de la main droite, il appelle quoi les dieux du sentier de la main droite? Ils joignent les mains dans une unité fraternelle et dans leur désespoir vont au halala pour leur dernier. Et vous voyez que nous sommes attaqués parce qu'on nous envoie des images démoniaques pour que nous ne puissions pas déchiffrer. Ils joignaient donc les mains dans une unité fraternelle et dans leur désespoir, vont au halala pour leur dernier grand conseil œcuménique. Les corbeaux de la nuit avancent pour appeler Louki qui mit le feu au halala avec les tridents de l'enfer, dont le crépuscule est là. Un rayon de lumière nouvelle est né de la nuit et Lucifer s'est levé une nouvelle fois pour dire, voici l'âge de Satan. Satan dirige le monde. Il confirme qu'il dirige le monde. Les dieux des injustes sont morts. Voici l'aube de la magie et de la sagesse, de la prise de responsabilité. La chair prévaut et une grande église doit être bâtie, consacrée en son nom. Le salut de l'homme ne doit plus dépendre du reniement de lui-même. Ça, c'est ce que nous appelons donc les écrits de Satan. Ça, c'est l'introduction. Et ici, il accuse Dieu, prétextant que ce sont les serviteurs de Dieu. Et vous allez entendre tout à l'heure, ça, c'est, vous voyez déjà l'effigie qui est affichée devant vous. C'est tout à fait normal que vous puissiez avoir toutes ces images parce que nous voulons prouver que tout ce que nous enseignons est tout à fait biblique parce que ça, la personne qui dépouille Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, donc, représentation satanique. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. Satan dit à ses adeptes que les promesses qui sont dans la Bible sont irréalistes et beaucoup de gens croient à ce mensonge. Vous voyez. Donc, au verset 3, Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie sans laquelle les hommes se complaisent. Ils disent que dans la Bible, c'est l'hypocrisie. Et dans cette hypocrisie, les hommes se complaisent dans les croyants. Ici, Satan représente la bonté pour lui, pour cette Bible de Satan. Ils disent que Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. Nous sommes dans la Bible de Satan. Ça, c'est la Bible de Satan. Donc, Satan représente la responsabilité pour le responsable au lieu du défilement. Voilà ce qui est écrit dans la Bible de Satan. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. Vous voyez, Satan représente l'homme selon eux, que quelquefois comme un animal, mais quelquefois pire, quelquefois meilleur que ceux qui marchent à quatre pattes, dont les animaux. Satan représente la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. Vous voyez, comme la Bible enseigne que nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Et eux, ils disent, Satan représente quoi? La vengeance. Au lieu de tendre l'autre joue, parce que Jésus a enseigné que si on te gifle sur la joue gauche, présente la joue droite. Mais ici, dans la Bible de Satan, il est dit, Satan représente la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les croyants nés de nouveau qui ont un esprit de vengeance, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Tous les croyants qui sont nés de nouveau, qui ont un esprit de vengeance, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, si tu te venges aujourd'hui comme la plupart des croyants, tu n'es pas dans là. Tu n'as pas le Saint-Esprit parce que c'est un autre esprit et Satan peut introduire un esprit de vengeance dans ton subconscient par télépathie. Donc, le sorcier peut faire ça. Il introduit un esprit de vengeance dans ton subconscient par télépathie. Il dit Satan représente la responsabilité pour le responsable au lieu du défilement. Satan représente ici, nous continuons. Le premier livre de la Bible satanique n'est pas un essai créé pour blasphémer. Voilà ce qu'ils disent, que le premier livre de la Bible satanique n'est pas un essai pour blasphémer, mais pour proclamer l'indignation envers les icônes et reliques tant admirées. Le diable a été attaqué par les hommes de Dieu sans arrêt et sans aucune réserve. Ils disent que ce sont les hommes de Dieu dont nous attaquons le diable sans réserve et sans arrêt. Il n'y a jamais eu d'opportunité pour le prince des ténèbres de parler de la même manière que les porte-paroles du Dieu de la vertu. Les tenants des églises ont défini le bien et le mal et ont jeté dans l'oubli tout ce qui n'était pas d'accord avec leurs principes. Voyons comment Satan, donc aussi bien verbalement que physiquement, leur discours de charité, lorsqu'il est appliqué au prince des enfers, devient vide de sens. Lorsque le discours de charité, dont le discours d'amour venant de Dieu, est appliqué au prince des enfers, devient vide de sens. C'est-à-dire, ils disent que nous devons aimer le diable. Or, la Bible n'a jamais dit d'aimer le diable. Tout aussi logique que dans leur ennemi satanique, leur religion même s'effondrerait. Satan prévoit, vous voyez qu'il conjugue le verbe au futur. Donc, il dit que la religion chrétienne va s'effondrer. Et je ne crois pas un seul instant, elle pourra s'effondrer si réellement les chrétiens n'annoncent pas l'évangile. Et il est en train de le faire, il est en train d'attaquer les chrétiens en pensée. Donc, il nous empêche d'annoncer l'évangile et de dénoncer ce qui est dit. Regardez, tout aussi logiquement que sans leurs ennemis sataniques, leur religion même s'effondrerait face à toutes les critiques que le diable a subies. Ils disent que le diable a subi des critiques. Lui n'a jamais répondu à ses détracteurs. J'ai envie de rire. Je lis dans la Bible de Satan, vous voyez, le livre de Satan. C'est écrit là, le livre de Satan, noir sur blanc, le livre de Satan. Et vous pouvez voir ça dans Google, tout ça, si vous êtes enfant de Dieu. C'est là et c'est vendu. Et tellement cher et les gens achètent. J'ai lu des commentaires quand je vous demande de partager, d'investir les réseaux sociaux parce que Dans les réseaux sociaux, on fait la publicité de la Bible de Satan. Pendant ce temps, les enfants de Dieu sont en train de se réjouir comme les païens. Les enfants de Dieu sont en train de se quereller sur les réseaux sociaux. Voici un document, le livre de Satan. On appelle ça la Bible de Satan, le diatribe infernal. La Bible de Satan, le livre de Satan. Et il se plaint que les hommes de Dieu, comme le docteur Essomba, l'attaquent. Et c'est pourquoi il préfère également attaquer les hommes de Dieu par des calomnies. C'est pas qu'il peut faire quelque chose contre nous. La Bible déclare que nous avons le pouvoir d'écraser, de détruire tout ce qu'il est en train de faire. Donc, face à toutes ces critiques que le diable a subies, dit-il, lui n'a jamais répondu à tous ses détracteurs. Il est donc toujours resté gentleman, alors que ceux qu'il sponsorise divaguent et fulminent également contre lui. Il s'est montré un modèle de retenue. J'ai envie de rire. Que le diable s'est montré un modèle de retenue, mais il sent maintenant qu'il est temps de riposter. Vous voyez, il décide qu'il est maintenant temps de recevoir son dû et que les livres de dogme, Bible entre parenthèses, vous voyez, ils mettent Bible entre parenthèses, en tout genre, deviennent inutiles. Chaque verset est satanique. Chaque mot est une langue de feu. Les flammes de l'enfer brûlent et purifient également. Continuez à lire et apprenez la loi. Vous voyez. Donc ici, dans ce désert aride d'acier et de pierre, relève ma voix. Satan dit, dans ce désert d'acier et de pierre, dans ce désert aride d'acier et de pierre, relève ma voix pour que vous l'entendiez. C'est Satan qui parle. Hein. Vers l'est et l'ouest, j'ai fait le signe vers le nord et le sud, et en même temps, j'ai fait le même signe en proclamant mort aux faibles et richesse aux forts. Les faibles, c'est qui? Il appelle les enfants de Dieu les faibles. Et richesse aux forts, c'est qui sont dans son camp. Mais Jésus-Christ définit l'action de Satan comme une action mensongère. Jésus-Christ dit que le diable est le prince du mensonge. Et il dit ceci, Satan, car j'avance pour défier la sagesse du monde, pour interroger les lois de l'homme et celles de Dieu. Il dit, c'est Satan qui parle, il dit, car j'avance pour défier. Mais où sont les enfants de Dieu pour défier les satanistes, pour défier les sorciers? Et les enfants de Dieu sont en train de se quereller, de se détruire entre eux. Et Satan dit, car j'avance pour défier la sagesse du monde, pour interroger les lois de l'homme et celles de Dieu. Donc, il défie la sagesse de Dieu. Je demande les raisons de vos règles d'or. Il demande, lui Satan, il demande les raisons de vos règles d'or et demande le comment et le pourquoi de vos 10 commandements. Je vous montre comment c'est écrit noir sur blanc. Il dit, je demande les raisons de vos règles d'or et demande le comment et aussi les pourquoi de vos 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'il est contre les 10 commandements. C'est Satan qui parle. Avant qu'une de vos icônes ne le fasse, il dit ceci, je me prosterne en signe d'acquiescement et aussi, et les considère mes ennemis. Et les considère mes ennemis. Donc, je plonge mon index dans le sang fade de votre soi-disant, c'est bien écrit, hein, dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur. Qui parle, c'est Satan, hein? Qui parle, c'est Satan? Et écrit sur son front épineux, le vrai prince du mal, le roi des esclaves. Il appelle Jésus le roi des esclaves. Il ne peut pas l'appeler. Il dit, je plonge mon index dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur. Il ne prononce pas son nom. Et en même temps, écrit sur son front épineux, le vrai prince du mal, le roi des esclaves. J'ai écrit dans mon livre que Satan ne peut pas prononcer le nom de Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Et il précise que, hey, je plonge mon index dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur, votre soi-disant rédempteur. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes dans le monde à ne pas croire, à ne pas croire à l'évangile. Parce que Satan passe le temps à calomnier, à insulter, comme on insulte les serviteurs de Dieu. Quand je vous le dis tout le temps, que ceux qui viennent insulter les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux sont des sorciers. Ils sont des sorciers, ils sont envoyés par Satan. De la même manière qu'il insulte Jésus ici, c'est de cette façon que les sorciers viennent également insulter les enfants de Dieu. Il dit, je plonge, dans leur verset 7, voici le verset 7, il dit, « Aucun menteur, aussi sage soit-il, ne m'aveuglera. Aucun dorme étouffant n'arrêtera ma plume. » Qui parle, c'est Satan. Mais les enfants de Dieu n'écrivent pas, ne prêchent pas. Et les enfants de Satan, ils sont tellement intrépides. Ils sont tellement à la pointe sur les technologies, les nouvelles technologies. Les gars ont occupé tout ce qui est comme réseaux sociaux. Ils ont occupé, si vous entrez dans Amazon, vous allez voir les livres des satanistes. Les livres des satanistes ont rempli Amazon, toutes les sociétés qui vendent les livres en ligne. Et les gens achètent, et les gens disent, ils font des commentaires au bas de chaque réseau social, ils disent qu'ils ne connaissaient pas cette vérité, ils ont finalement découvert la vérité venant de Satan. Écoutez-moi bien, et pourtant les enfants de Dieu sont là. Vous pensez que vous pouvez entrer au ciel, que vous allez entrer au ciel en faisant ce genre de choses, et pourtant vous êtes là, personne ne partage, personne ne fait rien, simple partage seulement. Il dit ceci, c'est Satan, il dit, je m'élève au niveau des forts, au niveau des forts. Je regarde avec insistance le regard vitreux de Dieu et arrache sa barbe, il arrache la barbe de Dieu. Je lève une hache et fends son crâne. C'est incroyable, impensable, impensable, impensable, impensable. Je me lève au niveau des forts, je regarde avec insistance le regard vitreux de Dieu et arrache sa barbe. Je lève une hache et fends son crâne vermoulu, le crâne de Dieu vermoulu. Il dit, je braille le contenu de sa philosophie dans la Bible. Je braille le contenu de sa philosophie et ris d'une colère sardonique. Et ris d'une colère sardonique. C'est Satan, c'est la Bible de Satan. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Bible de Satan. Voici ça. Et ceux qui ont pris peut-être la prédication ou bien l'enseignement, voici la Bible de Satan. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet et je suis en train de vous montrer ce qui est de lire également ce qui est écrit là-dedans. Le livre de Satan, c'est écrit là, le livre de Satan. Et nous sommes déjà au chapitre 2. Voici le chapitre 2. Que dit le chapitre 2 du livre de Satan? Il dit, regardez ce crucifix. Que symbolise-t-il? Que symbolise-t-il? L'incompétence blafarde qui pend sur un arbre. Que symbolise-t-il l'incompétence blafarde qui pend sur un arbre? Voici comment, parce que Satan sait que la Bible dit dans le livre de Colossiens, c'est par la croix que Jésus a dépouillé les dominations. C'est la seule chose qui a dépouillé le royaume de Satan. Et il attaque la croix, il attaque tous ceux qui sont aujourd'hui capables d'annoncer l'évangile. Il doit vous attaquer. Mais il ne peut absolument rien. Vous voyez, au verset 2 du même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mets en cause toutes choses alors que je me tiens devant les façades suppurantes de vos dogmes moraux. J'écris les lettres de profond mépris. Tout ceci est frauduleux. Il dit que la Bible est frauduleuse. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui s'élève et dit que la Bible est fausse? Aujourd'hui même, j'ai vu sur Internet une soi-disant acteur nigériane qui dit qu'elle ne croit pas à la Bible parce que la Bible raconte des conneries, des histoires. C'est voilà des sorcières, des agents de Satan qui lisent les livres de Satan, les Bibles de Satan. Ils viennent vous convaincre et ça crée des doutes dans vos esprits. Vous ne pouvez même pas se lever et parler au milieu, dans les marchés, prêcher l'évangile. Au marché, prêcher l'évangile. Dans les bus, prêcher l'évangile. Sur les réseaux sociaux, prêcher l'évangile. Partagez la vidéo parce que c'est de bonne guerre. C'est la guerre entre les puissants des ténèbres et cette guerre se passe au niveau de la communication. La communication, c'est le quatrième pouvoir. Et le diable gagne le terrain aujourd'hui et les enfants de Dieu, les pasteurs y compris, sont des complices. Vous êtes des complices, ceux qui ne font absolument rien. Et ils investissent beaucoup d'argent. Ils sont en train d'investir beaucoup d'argent aujourd'hui pour avoir réellement une visibilité sur Internet. Ils investissent beaucoup d'argent et ce qu'on voit sur Internet, soi-disant pasteurs, soi-disant enfants de Dieu qui viennent, la Bible n'est pas biblique, quoi. La dîme n'est pas biblique. Est-ce que c'est ce que Dieu vous envoie dire sur Internet? La dîme n'est pas biblique, tel vent ici. Ils passent le temps à se critiquer les uns les autres. Les pasteurs, ils ne sont même pas capables d'annoncer l'évangile pour convertir les gens, pour convertir ces gens-là. Ils ne peuvent jamais le faire. Ils se critiquent seulement pour attirer les âmes de l'autre. Tu es obligé de critiquer pour attirer les âmes de l'autre. Voilà ce que vous faites. Et Satan est en train de gagner le monde. Regarde, ça c'est la Bible de Satan. Ça c'est la Bible de Satan. Et je suis tombé sur ça sur Internet. Sur Internet, voici la Bible de Satan en anglais. Et puis quand vous descendez, vous voyez tout ça. Est-ce que vous ignorez toutes ces images? Vous connaissez parfaitement toutes ces images, mais vous ne faites absolument rien pour que l'évangile soit prêché avec force et puissance. Même partagé. C'est pourquoi par télépathie, quelqu'un se connecte sur une page comme celle-ci. Dès qu'il me voit en train de prêcher comme ça, il quitte, il s'en va. Il va regarder des bêtises. Des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est le sexe qui est partagé sur Internet. C'est le sexe qui est partagé sur Internet. C'est des bêtises comme ça qui sont partagées sur Internet. C'est des critiques, c'est des calomnies qui marchent, qui sont partagées. Où les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, viennent faire des commentaires. Mais ici, vous ne pouvez pas faire le commentaire. Mettez seulement le cœur que j'aime. Parce que je sais que comme je suis en train de montrer ça, les satanistes n'iront pas en vacances. Ils vont attaquer par Internet. Ils vont attaquer, ils vont même demander à Facebook de fermer le site parce que c'est leur royaume. Mais si nous sponsorisons par exemple un tel message, on sponsorise ça. Facebook, lui, il a besoin d'argent. Et on sponsorise ça directement, ils vont partager. Mais les sorciers viendront te dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que vous ne devez rien faire. Ça, c'est la Bible de Satan. Et partout, vous allez voir les dessins, les images de Satan, les images de Satan. Je suis en train de lire le récit dans la Bible. Nous sommes déjà au chapitre 2. Mais toi, tu ne lis jamais même la propre Bible de Jésus-Christ. La Bible qui est la parole de Dieu, tu ne parviens même pas à lire. Parce que tu es attaqué par télépathie. Et le diable a écrit cette Bible en passant par la télépathie. Il a utilisé un homme, un Américain, toute une équipe d'Américains qui ont écrit cette Bible et c'est vendu à prix d'or. Un exemplaire, parfois, c'est les 400 euros, les 600 euros. Un seul exemplaire. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont incapables d'annoncer l'évangile. Ça, c'est la Bible de Satan. Et je reviens là-haut. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez là? C'est la Bible de Satan avec le nom de l'auteur. C'est lui qui a écrit. Mais il a écrit ça pourquoi? Il a basculé sur Internet pourquoi? Et ce n'est pas gratuit. C'est acheté à prix d'or des centaines d'euros. Et c'est le monde entier qui est en train d'acheter. Le monde entier est en train d'acheter cette Bible. Une Bible de mensonges. Des écrits mensongers qui n'ont rien à voir avec la vérité. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aujourd'hui, où est la vérité? Où est-ce que nous prêchons la vérité? Les gens viennent et vous disent, ils vous enseignent la loi. Vous enseignez la loi sans convertir les gens. Si ce monsieur, si c'est Anton Zandor Lavé, si ce Lavé avait été réellement converti, et pourtant, j'ai lu son histoire. Il était dans une église évangélique. Et dans cette église évangélique, il n'était pas né de nouveau. Il était dans une église évangélique aux États-Unis, mais il n'était pas né de nouveau. C'est Anton Zandor Lavé était dans une église évangélique, mais il n'était pas né de nouveau. Et il est devenu, depuis 16 ans, un agent satanique, démoniaque, jusqu'à écrire la Bible qui est la Bible de Satan. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Nous étions au chapitre 2. Au chapitre 2 de ce livre, venez chercher l'enfant, s'il vous plaît. Au chapitre 2 de ce livre, qu'est-ce qu'il est dit ici? La Bible dit ceci. Et la Bible de Satan dit ceci, il dit ceci, les mensonges populaires ont toujours été les ennemis les plus puissants de la liberté. Les plus puissants de la liberté. Voilà un sorcier que c'est toi qui n'es pas diabolique. Il dit, un sorcier, si c'est Dolby, toi tu es maudit. Il vient dire, si c'est toi qui n'es pas diabolique, parce que tu défends ton père Satan. Tu défends, si c'est Dolby Bertie, tu es maudit. Tu es maudit comme ton père Satan. Tu es maudit, maudit, maudit. Ton avenir maudit. Et c'est l'enfer, ton avenir maudit. Le satanisme, il vient défendre son père Satan. Voilà, nous sommes en train de parler, mais quelqu'un vient, il défend son père Satan parce que je dénonce. Parce que lui-même, il est sorcier. Il ne veut pas que nous puissions dénoncer les œuvres de son père Satan. Pendant ce temps, les enfants de Dieu ferment la bouche. Personne ne peut rien dire. Hein? Personne ne peut même pas faire un simple commentaire sur lui. Moi, je te maudis encore, je maudis, ton avenir sera obscur. Ta vie sera obscure, ta santé obscure. Tu vas voir les maladies qui vont t'attaquer, Satan ne pourra jamais te protéger. Satan ne pourra rien faire pour toi, si c'est qui là. Je dis, Satan ne pourra, aucun guérisseur, aucun féticheur. Tu es maudit de la tête jusqu'au pied, ta famille maudite, tes enfants, tout ce que tu fais pour avoir de l'argent est absolument maudit. Je dis bien maudit. Maudit jusqu'à. Et nous avons là la preuve. Pendant que nous dénonçons les œuvres de Satan, quelqu'un vient commence à m'insulter. Donc le plus, il dit ceci. Voici, nous sommes dans le chapitre 2 du livre de Satan. Il dit, c'est pourquoi à chaque fois qu'un trône se bâtit sur un mensonge, qu'il soit attaqué sans pitié. Il dit qu'il est en train de bâtir un trône. Le trône, c'est quoi ici? Ce trône qu'il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir, c'est Satan qui parle. Qu'un trône se bâtit et la Bible est en train de mentir sur lui. C'est Satan qui parle. Hein? Il dit, le plus dangereux de tous leurs mensonges, c'est ce qu'ils appellent le sacré. Dans la Bible de Satan. Il dit, le plus dangereux des mensonges de la Bible, c'est ce que la Bible appelle le sacré. Il dit, le sanctifié. Ça, c'est le mensonge selon lui. Le sanctifié. Le mensonge que tout le monde croit être un modèle. C'est la mère fructueuse de toutes les illusions et erreurs populaires. C'est un arbre de déraison muni de 1000 racines. C'est un cancer social. Il dit que la Bible est un cancer social. Est-ce que vous n'avez jamais entendu les gens comme les Africains qui disent aujourd'hui que la religion, c'est ça qui détruit l'Afrique. C'est la Bible qui détruit l'Afrique. Que la Bible vient des Blancs. Et c'est ça le mensonge de Satan. Au verset 15 de leur chapitre, il est dit, les mensonges populaires ont toujours été les ennemis les plus puissants des libertés personnelles. Liberté. Est-ce que vous n'entendez pas ça aujourd'hui dans le monde entier? Les libertés, la liberté, la liberté de soi. Il y a seulement une façon de les traiter. Les couper à la racine même. Donc, l'objectif de Satan, c'est de couper la parole de Dieu à la racine, vous empêcher de lire la Bible, vous empêcher de prêcher. C'est pourquoi il dit, pour traiter ce genre de mensonge, pour lui, la Bible est un mensonge. Donc, pour traiter ça, il faut couper à la racine même. Tout comme le cancer, exterminer les racines et les branches, les anéantir ou ils nous détruiront. Donc, l'objectif, est-ce que vous comprenez le langage? L'objectif, c'est que, il dit, les mensonges populaires ont toujours été les ennemis les plus puissants des libertés personnelles. Il y a seulement une façon de les traiter. Les couper à la racine. Couper quoi? La parole de Dieu. Donc, détruire. D'où proviennent donc ce qu'on appelle la persécution. Les insultes, les critiques. Pour t'empêcher, toi, de parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Pour t'empêcher, toi, de venir sur les réseaux sociaux et dénoncer, et dénoncer, et dénoncer, et dénoncer, et dénoncer, et dénoncer tout ce que Satan est en train de faire. Tout comme le cancer est exterminé, les racines et les branches, les anéantir ou bien les détruire. Voici ce que nous lisons dans la Bible de Satan. Et les sorciers viennent intervenir parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions dénoncer. Au chapitre 3 de la Bible de Satan, il est dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qui est considéré comme la loi suprême? Mais quel pouvoir en a décidé ainsi? De demander aux gens de s'aimer les uns les autres. Donc Satan est contre ça. Suivez très bien. Sur quelle autorité rationnelle est-ce que l'évangile d'amour repose? C'est Satan qui parle. Il dit, sur quelle autorité rationnelle est-ce que l'évangile d'amour repose? Pourquoi ne devrait-on pas haïr nos ennemis? Pourquoi ne devrions-t-on pas haïr nos ennemis? Pourquoi ne devrait-on pas haïr nos ennemis? Si je les aime, cela ne me placerait-il pas à leur merci? Ça veut dire que si tu aimes tes ennemis, tu te places à leur merci. Ça, c'est l'évangile du diable. Est-ce qu'il est naturel pour les ennemis de faire le bien aux uns et aux autres? Et après tout, qu'est-ce que le bien? C'est Satan qui parle. Vous voyez, vous suivez. Est-ce qu'une victime sanglantée et déchirée peut aimer le sang qui coule de ses mâchoires? Il précise, est-ce qu'une victime ensanglantée et déchirée peut aimer le sang qui coule de ses mâchoires? Est-ce que nous ne sommes pas tous des prédateurs par instinct si les humains cessaient de détruire, est-ce qu'il pourrait continuer à exister? Donc ça, c'est le principe de la guerre. Le principe de la guerre, il faut faire la guerre, il faut détruire. Il faut se détruire les uns les autres. Dans leur verset 5, ils disent, est-ce que la luxure et désir charnel n'est pas la façon la plus véridique de décrire l'amour? Écoutez-moi bien, il dit, est-ce que la luxure et le désir charnel, ce qu'interdit la parole de Dieu, n'est pas la façon la plus véridique de décrire l'amour quand celui-ci est appliqué à la continuation de la race? Donc, est-ce que l'amour des saintes écritures, entre guillemets, n'est pas simplement un euphémisme pour écrire l'activité sexuelle? Ou est-ce que ce grand professeur glorifiait les eunuques? Il dit, aimez vos ennemis et faites le bien envers ceux qui vous haïssent et vous exploitent. Ça veut dire que si tu fais du bien à celui qui te hait, tu es en train, celui-là va t'exploiter. N'est-ce pas l'ignoble philosophie du Baudet qui donne les coups de pied à ses bienfaiteurs qui continuent malgré tout à le choyer? C'est Satan qui parle. Verset 7. Il dit, haïssez vos ennemis de tout cœur. Il donne l'ordre. Haïssez vos ennemis de tout cœur. Et si quelqu'un vous frappe une joue, vous lui frappez l'autre. N'est-ce pas simplement une question de préservation de soi et la plus haute priorité? Il dit, haïssez vos ennemis de tout cœur. Et si quelqu'un vous frappe une joue, vous lui frappez l'autre. N'est-ce pas simplement une question de préservation de soi et la plus haute priorité? Il dit, tu dois te protéger. C'est la plus haute priorité. Donc, verset 8, dans leur Bible, celui qui tend l'autre joue est un couard, est un connard. Celui qui tend l'autre joue est un connard. Voici la Bible de Satan qui donne ce genre d'instruction. Verset 9, il dit, donnez coup pour coup. Donnez coup pour coup, dédain pour dédain, trépas pour trépas, œil pour œil, bosse pour bosse, faites de vous une terreur pour votre adversaire. Et quand il aura eu ce qu'il mérite, il y réfléchira à deux fois avant de recommencer. Ainsi, vous vous faites respecter durant toute votre vie et votre esprit immortel ne vivra pas dans un paradis intangible, mais dans les cerveaux de ceux dont vous aurez gagné le respect. Voilà la Bible de Satan. Et voici la Bible de Satan. Et voici le début. Voici le début que nous lisons, la Bible de Satan. Nous sommes là dans la Bible. Partagez. Vous devez partager. Parce que depuis tout ce temps-ci, je vous demande d'entrer dans la parole de Dieu et d'annoncer l'évangile. Et moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi les chrétiens n'annoncent pas l'évangile. Parce que réellement, vous avez un problème. Le problème ici, c'est quoi? Vous avez quel problème? Vous avez été envoûté, comme Paul le dit à ses enfants spirituels. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Dans le livre de Galates. Qui vous a envoûté? Par télépathie, le diable fait tout et tout pour vous empêcher d'annoncer l'évangile. Ici, c'est la Bible de Satan. C'est pourquoi les chrétiens s'intéressent beaucoup plus aux choses du monde. Et là, nous sommes au chapitre combien? Le chapitre 3. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qui est considéré? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qui est considéré comme la loi suprême? Et nous sommes déjà au chapitre 4. Il dit, la vie est la grande indulgence, la mort est la grande abstinence. Donc, profitez de la vie ici et maintenant. Satan dit, profitez de la vie ici et maintenant. Il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y a pas de vie au ciel. C'est un menteur parce qu'il sait que il vous amène où? En enfer. Il dit, il n'y a pas d'enfer. Verset 2. Voici le verset 2. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de paradis. Ici et maintenant sont nos tourments. Ici et maintenant sont nos joies. Ici et maintenant est notre occasion. Profitez de chaque jour, chaque heure, sans peur de votre rédemption. Profitez. Et je reprends au verset 2. Il n'y a pas d'enfer, dit Satan. Il n'y a pas de paradis, dit Satan. Ici et maintenant. Est-ce que vous n'avez jamais entendu les hommes et les femmes vivant à côté de vous prononcer de telles phrases? Et vous pensez que qui parle par la bouche de ces gens, qui parle par la bouche de vos collègues, et vous restez la bouche fermée et vous ne dites absolument rien. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, et ici, maintenant, c'est votre vie. Il dit, il n'y a pas de tourment. Ici et maintenant sont nos joies. Ici et maintenant est notre occasion. Profitez de chaque jour, chaque heure, sans peur de votre rédemption. Troisième chapitre, il dit, affirmez de tout cœur, je suis mon propre rédempteur. Voici le verset 3. Ça, c'est le verset 3. Affirmez de tout cœur, je suis mon propre rédempteur. Affirmez de tout cœur, je suis mon propre rédempteur. Toi qui es né avec le péché originel, comment tu peux être ton propre rédempteur? Tu es né avec le péché originel et tu deviens également ton propre rédempteur. Vous voyez les mensonges de Satan? Les mensonges de Satan, et vous croyez à tout ça. Les satanistes croient à tout ça. Les sorciers croient à tout ça. Les païens ne veulent pas recevoir le Seigneur. Ils ne veulent jamais recevoir le Seigneur. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit, affirmez de tout cœur, je suis mon propre rédempteur. Empêchez-les de vous persécuter. Satan dit, empêchez-les de vous persécuter, mais ses agents viennent persécuter. Comme celui-là, si c'est Dolby, tu es maudit. Tu es maudit, maudit, maudit, maudit, maudit, et tu verras que tu t'es attaqué à un homme de Dieu. Satan ne peut rien. Tu es un agent de Satan, tu es le sorcier agent de Satan, et tu es énervé parce qu'on dénonce ce que vous faites. On dénonce votre poison que vous répandez partout. Et votre point fort, c'est le mensonge. Votre point fort, c'est des calomnies. Votre point fort, c'est répandre ce poison sur les médias, sur les réseaux sociaux pour que les gens ne croient pas à l'évangile. Et nous allons prononcer, nous allons prêcher l'évangile. Un petit sorcier comme toi, maudit, de la tête aux pieds, tu es maudit. Petit sorcier, Satan, fils du diable, ennemi de l'évangile. Voici ce que Satan fait. Il envoie ses agents. Ils sont en train d'intervenir. Ils sont en train d'intervenir. Mais tu n'as pas de place ici. Tu es maudit, détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et nous continuons. Nous continuons. Chapitre 5. Dans le chapitre 5 du livre de Satan, de la Bible de Satan, il dit, béni soit les forts pour qu'ils possèdent la terre. Maudits seront les faibles pour qu'ils héritent les carcasses. Les faibles, il appelle les faibles tous ceux qui sont en train de suivre Jésus. Il les appelle les faibles. Il dit, maudit soit. Je renverse au nom de Jésus. Je renverse par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur, je renverse cette malédiction. Et si toi, tu ne renverses pas, est-ce que vous voyez la preuve que Satan passe le temps à vous maudire, vous les enfants de Dieu? Mais comme vous ne connaissez pas le combat spirituel, et vous acceptez, vous êtes là sans combattre. Toute nuit, chaque nuit, Satan maudit. Les sorciers viennent vous maudire sur les réseaux sociaux et vous fermez les bouches. Les pasteurs viennent, ils subissent ces malédictions. Et ils ferment les bouches, les enfants de Dieu ferment les bouches, au lieu de les maudire également, comme ce soi-disant qui vient intervenir, il vient m'insulter. Tu es maudit. Écoute ce que Satan dit. Satan dit, béni soient les puissants pour qu'ils soient révérés parmi les hommes. Maudits seront les faibles. C'est pourquoi les satanistes gèrent les richesses du monde. Les satanistes, les sorciers gèrent les richesses du monde. Et les enfants de Dieu ne cèdent absolument rien. Parce que Satan passe autant à maudire. Et ses agents passent autant à maudire. Et nous sommes là. Jésus n'a jamais dit d'aimer les ennemis. Les ennemis qui sont les sorciers. Les ennemis dans notre... Dans notre environnement. Donc si tu as un ennemi qui est un enfant de Dieu, qui se déclare ton ennemi, ou bien dans ta famille, mais pas un ennemi qui est démoniaque, un sorcier. Béni soit, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit, nous sommes dans leur verset 5. Il dit, béni soit la poigne de fer, maudits seront les pauvres d'esprit pour qu'ils s'écroulent. Ce sont des malédictions que le gars prononce sur les enfants de Dieu depuis le premier verset du chapitre 5 de sa Bible. Il dit, béni soit les forts. Les forts sont ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent, alors que c'est ceux-là qui sont les faibles, pour qu'ils possèdent la terre. Et c'est pourquoi ils font tout pour posséder la terre. Ils font tout pour avoir l'argent, pour avoir les richesses. Ils font tout et tout. Et pendant ce temps, les enfants de Dieu sont là comme ceux qui viennent tout simplement les accompagner. Il dit, verset 2, béni soient les puissants pour qu'ils soient révérés. Parmi les hommes maudits seront les faibles pour qu'ils soient rayés. Pour qu'ils soient rayés. Il dit que les enfants de Dieu doivent être rayés. Ça, c'est Satan. Il ajoute verset 3. Béni soit le hardi pour qu'il soit maître du monde. Maudit soit l'humble. Il dit l'humilité qui précède la gloire. Le diable fait tout à fait le contraire. Il dit maudit soit l'humble pour qu'il soit piétiné par les sabots du bouc. Pour qu'il soit piétiné par partager encore. Même si les sorciers se fâchent. Continuez à partager. Il dit ceci. Béni soit la mort défiante. Pour que leurs jours soient longs sur terre. Maudits seront ceux qui espèrent en une vie paradisiaque. Il dit maudit soit. C'est Satan qui parle. Nous sommes dans la Bible de Satan au chapitre 5. Voici la Bible de Satan. Il est en train de maudire les enfants de Dieu. De maudire cette nuit-là. Je verrai comment toi tu vas dormir sans prier, sans détruire, sans renverser cette malédiction. Nous sommes dans leur Bible du chapitre 5. Chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 5? Il dit ceci au verset 6. Béni soit la mort défiante pour que leurs jours soient longs sur terre. Maudits seront ceux qui espèrent en une vie paradisiaque. Vous voyez, au-delà de la tombe pour qu'ils périssent. Or, ce sont ces agents qui doivent périr. Vous voyez le mensonge de Satan. Et au verset 7, il dit, béni soient les destructeurs des faux espoirs. Donc, c'est lui qui te détruit, toi, enfant de Dieu. Satan dit qu'il le bénit. C'est lui qui détruit un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui détruit ton agent de sorcier. Et c'est pourquoi les sorciers font tout et tout pour vous détruire. Ils font tout et tout pour détruire votre argent, pour détruire vos bénédictions. Il dit, béni soient les destructeurs des faux espoirs, car ils sont les vrais messies, dont le sorcier est un vrai messie. C'est comme ça qu'ils trompent tous les sorciers. C'est pourquoi ils ont le courage de venir même sur les réseaux sociaux nous attaquer et vous êtes tranquilles dans vos coins. Il dit, maudits soient les adorateurs de Dieu pour qu'ils restent de pauvres moutons. Hey! Satan dit, maudits soient les adorateurs. Nous sommes où là? Au verset, nous allons continuer. Béni soient les vaillants pour qu'ils attirent. Non, béni soit la mort. Nous sommes au verset 7. Il dit, béni soient les destructeurs des faux espoirs quand ils sont les vrais messies. Maudits soient les adorateurs de Dieu pour qu'ils restent de pauvres moutons. C'est écrit là, hein? Noir sur blanc. Ce que le diable fait. Et vous êtes tranquille. La prière, vous ne faites pas. Prière de combat, vous ne faites pas. Rien, vous n'apprenez même pas d'abord. Et les chrétiens sont tranquilles. Ils sont réellement dans leur château, dans leur villa, dans leur voiture, comme si de rien n'était. Il dit, béni soient les vaillants pour qu'ils obtiennent de grandes richesses. Maudits seront les croyants dans le bien et le mal. Pour qu'ils soient effrayés par les ombres, puis qu'ils soient effrayés par les démons. Il dit pour qu'ils soient effrayés par les ombres. Il dit maudits soient les croyants. Les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui parlent de Dieu, pas Dieu, mais ceux qui croient, qui sont nés de nouveau, c'est cela, le diable s'attaque plus précisément à ce dernier. Plus précisément à ce dernier. Et il ajoute au verset 9, « Béni soient ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux. » Ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux, pour que leur esprit ne soit jamais terrorisé. Maudits seront les agneaux de Dieu pour qu'ils soient saignés plus blancs que neige. Hey! Le gars a de ces paroles de malédiction jamais entendues. Des paroles de malédiction qu'il maudit. Donc, il passe tout le temps, des chapitres et des chapitres, à maudire les enfants de Dieu. Au verset 10, il dit, béni est l'homme qui a quelques ennemis pour qu'il fasse de lui un héros. Maudit est celui qui fait le bien à ceux qui le dédaignent, à ceux qui le haïssent, pour qu'il soit méprisé. Il dit maudit soit celui qui fait le bien. Donc, le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. Béni soient les esprits forts pour qu'ils survolent les tourbillons de la vie. Maudit soient ceux qui enseignent des mensonges à la place de la vérité pour qu'ils soient une abomination. Donc, pour lui, le diable, la Bible, c'est le mensonge. Donc, tout à fait le contraire. Et c'est pourquoi les gens ne parviennent pas à croire. C'est toi qui dois prouver. Et au verset 12 de la Bible de Satan, il dit « Maudissez trois fois les faibles, dont le manque de confiance les rend vils. » Maudissez, il dit à ses agents. Nous sommes là au chapitre, au verset 12. Il dit « Maudissez trois fois les faibles, dont le manque de confiance les rend vils. » Le manque de confiance dans ceux qui n'ont pas la foi. Il dit de toi qui n'as pas la foi, on doit te maudire trois fois. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, et le diable le sait. Et si tu n'as pas la foi, le diable dit à ses sorciers, ses agents, de te maudire trois fois par jour. Trois fois par jour. Leur verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'ange de l'autodécision est présent dans les âmes des justes. L'autodécision, c'est quoi? C'est la télépathie. L'autodécision, c'est la télépathie. Il dit les flammes éternelles du pouvoir, par sa joie de vivre, habiteront la chair du sataniste. La joie de vivre, ça habitera dans la chair du sataniste. Vous voyez comment Satan trompe et vous êtes tranquille. Voici tout ce qu'il envoie. Voici, c'est dans leur Bible. Dans la Bible de Satan, voilà ce que vous avez devant vous. Dans la Bible, il dit le livre de Lucifer. Le titre est là, le livre de Lucifer, la connaissance. Le livre de Lucifer, la connaissance. Le livre de qui? De Lucifer, la connaissance. Or, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté en esprit. Il n'y a pas de connaissance sur ça. C'est tout simplement la pauvreté, la mort. Mais il fait croire, comme il est le père du mensonge, comme Jésus l'avait déjà dit, qu'il est le père du mensonge. Et les gens croient. Le livre de Lucifer, la connaissance. Il n'y a pas de connaissance en ça. C'est le mensonge. Partagez la vidéo. Partagez encore la vidéo. Il faut que la vidéo puisse toucher l'humanité. Puisse toucher l'humanité. C'est la Bible de Satan. Je suis en train de révéler ce qui est écrit dans la Bible de Satan que j'ai rencontré dans le net, sur le net aujourd'hui. Sur le net aujourd'hui, la Bible de Satan, il y a plusieurs autres livres. C'est la Bible de Satan. Et là, nous sommes réellement en train de déchiffrer. Nous sommes au chapitre 5. C'est le chapitre 5. Et je vais vous montrer ce qui est écrit dès le début. Dès le début, la Bible de Satan, c'est écrit là. Avec un nom, le nom de l'auteur. C'est lui qui avait été manipulé par Satan, par télépathie, pour écrire cette soi-disant Bible. Il s'appelle Anton Zander Lavey. Et là, si les chrétiens d'auparavant l'avaient annoncé l'évangile, il n'allait pas parce qu'il est mort et il est en enfer aujourd'hui. Parce que Satan l'a tellement utilisé et Satan l'a finalement détruit. Parce que Satan, après avoir utilisé un homme ou une femme, il finit toujours par te détruire. La Bible de Satan. Et ainsi donc, nous allons continuer au chapitre 5. Nous étions au chapitre 5 vers la fin. Et nous étions déjà ici. Mais qu'est-ce qui est dit ici? Il dit, le dieu latin Lucifer était le porteur de lumière. Le dieu latin. Et vous voyez que la plupart des églises sont venues nous parler du latin. Ils parlent du latin aux gens qui ne maîtrisent pas cette langue. Et lui, Lucifer se présente, il dit, je suis le Dieu latin. Le Dieu latin, Lucifer, était le porteur de lumière et l'esprit de l'air. Et la Bible dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2, le prince de la puissance de l'air, lui-même s'identifie ici, l'esprit de l'air. Donc, il dit qu'il est la personnification de la connaissance. Dans la mythologie chrétienne, il est devenu synonyme du mal. Il dit que ce sont les chrétiens qui mentent sur lui, qu'il est devenu synonyme du mal dans la mythologie chrétienne. Or, Jésus a bien dévoilé effectivement la racine de ce mal qui s'appelle le diable. Il dit ce qu'on pouvait seulement espérer d'une religion dont l'existence même est perpétuée par des définitions vagues et des valeurs erronées. Il dit que la religion chrétienne est définie, c'est-à-dire c'est un menteur. Il dit il est temps de mettre les choses au clair. C'est Satan qui parle. Il est temps de mettre les choses au clair. Il faut corriger ces leçons de morale, aussi divertissantes soient-elles. La plupart des histoires et des pièces écrites sur le culte du démon doivent être reconnues comme les absurdités. Il appelle la Bible le culte des démons. Voyons à quel niveau Satan attaque. Il est énervé. Il est véritablement énervé. Pendant ce temps, toi, chrétien, tu es tranquille dans ton coin. Ça ne te dit absolument rien. Prêche l'évangile et tu ne lis même pas la Bible. Satan attaque ouvertement la Bible. Attaque ouvertement les chrétiens. Et nous venons de lire ce qu'il a écrit. Comment il passe le temps à maudire les chrétiens. À maudire les chrétiens nés de nouveau. Il demande de maudire chaque chrétien 3 fois par jour. Il demande à ses agents sorciers. Et là, il y a des églises qui enseignent qu'on n'a plus de combat spirituel à faire. Et pendant ce temps, Satan te maudit tous les jours. Mais l'apôtre Paul a enseigné ceci. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissants des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Un combat tellement spirituel en parole. Et comme toi, tu es rempli du Saint-Esprit, et tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Et Satan le sait que tu as ce pouvoir-là. Et c'est à toi de renverser. Parce que si tu ne renverses pas toutes les paroles de malédiction que Satan a prononcées tout à l'heure dans sa Bible, il dit à ses agents de maudire. Il dit à ses agents de maudire tous les chrétiens. Et nous continuons. Nous sommes seulement au chapitre 5. Et pourtant, il y a au moins 600 chapitres dans la Bible de Satan. 600 chapitres. Il dit ceci, Dieu mort ou vif. Voici le titre dans sa Bible. Dieu mort ou vif. Dieu mort ou vif. Il est communément considéré que le sataniste ne croit pas en Dieu. Le fait que le concept de Dieu fut par les différentes interprétations de l'homme si varié tout au long des âges que le sataniste accepte simplement la définition qui lui convient le mieux. L'homme a toujours créé ses dieux de toutes pièces, beaucoup plus ses dieux ne le créent lui-même. Dieu, pour certains, correspond à un être bénin, pour d'autres, à un être terrifiant. Pour le sataniste, Dieu, quel que soit le nom par lequel il est appelé ou pas, est considéré comme une simple puissance d'équilibre de la nature et non comme quelqu'un se sentant concerné par la souffrance de l'humanité. Il dit que Dieu ne se sent pas concerné par la souffrance de l'humanité et c'est lui qui doit donner la solution à la souffrance de l'humanité. Un mensonge de plus. Il dit cette puissance force qui équilibre en permanence les flux de l'univers est beaucoup plus trop impersonnelle pour se soucier du bonheur ou de la misère des créatures, considérant Satan comme le mal, devra reconsidérer ses positions. Il dit l'homme doit reconsidérer ses positions, n'est plus considéré que Satan comme le mal. Vous voyez la puissance du mensonge de Satan qui va, il dit quiconque, tous les hommes, femmes, enfants et animaux qui furent tués parce que c'était la volonté de Dieu. Ainsi, une personne pleurant la perte d'un être aimé préférerait garder cet être aimé à ses côtés plutôt que de le mettre entre les mains de Dieu. Au lieu de cela, il est onctueusement consolé par le prêtre qui dit « c'était la volonté de Dieu ». Il dit honteusement consolé par un prêtre qui dit « c'est la volonté de Dieu, que tu as perdu cet être cher par la volonté de Dieu ». Il dit ça, c'est quelle doctrine? Vous voyez comment Satan attaque ouvertement. Satan attaque ouvertement la parole de Dieu. Il blasphème, il détruit tout ce qui croit à l'évangile. Il passe le temps à maudire. Et là, nous sommes, il dit Dieu vif. Donc, il a juré Dieu mort ou vif. Oh, c'est un mensonge. Lui peut tuer Dieu. Donc, il ne peut pas tuer ni un enfant de Dieu. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas le combat que nous devons mener. Nous devons mener parce que il fait tout ça pour apprivoiser, pour aveugler. Parce que l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, tous ceux qui viennent nous insulter, ce sont des agents de Satan parce qu'ils ne veulent pas que ceci soit démontré. Ils ne veulent pas que ceci soit démontré. Ils sont en train de se liguer. Pendant ce temps, les enfants de Dieu dorment. Les enfants de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Aucun commentaire, pas de partage. Ce n'est même pas leur problème. Donc, ils sont également déjà envoûtés parce que Satan passe le temps à les envoûter par des malédictions. Par des malédictions, c'est pourquoi vous voyez les enfants de Dieu, ça ne leur dit absolument rien pour annoncer l'évangile. Ce n'est même pas leur problème. Ils n'annoncent pas l'évangile. Ils ne peuvent même pas défendre ni confirmer l'évangile. Ce n'est même pas leur problème. Ils ne se sentent même pas concernés. Ils disent c'est pour les autres, c'est pour les pasteurs. Vous devez vous être dans l'obligation. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause de ça. Le seul Dieu à sauver devrait être vous. Il dit, le seul Dieu à sauver devrait être vous. Vous qui? Vous. Le seul Dieu à sauver. Il dit, toute religion de nature spirituelle est invention de l'homme. C'est Satan qui parle. Toute religion de nature spirituelle est invention de l'homme. Il a créé un système complet de Dieu avec, vous voyez, Dieu au pluriel. Dieu au pluriel. Mais le nôtre n'est pas au pluriel. Le nôtre n'est pas au pluriel. Nous avons un seul Dieu, créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Et c'est ce Dieu-là qui nous envoie annoncer l'évangile. Nous croyons à la puissance de ce Dieu-là qui vous fait trembler, vous les sorciers. Il dit, toute religion de nature spirituelle est invention de l'homme. Il a créé un système complet de Dieu avec ni plus ni moins que son cerveau humain. Terrible. Il dit simplement parce qu'il possède un ego propre à lui et qu'il ne peut l'accepter. Il a eu comme seul moyen pour l'extérioriser de créer quelques grands concepts spirituels qui sont appelés Dieu. Dieu au pluriel toujours. Qui sont appelés comment? Qui sont appelés Dieu? Qui sont appelés Dieu? Or, le vrai Dieu que nous adorons, nous, n'est pas au pluriel. Il dit, peut faire tout ce que l'homme s'interdit de faire. Il dit, Dieu peut faire tout ce que l'homme s'interdit de faire, tel que tuer, faire des miracles, pour se satisfaire du regard impressionné des badauds. Il nous appelle des badauds. Non, c'est pas croyable. Il nous appelle des badauds. Il dit, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles pour faire quoi? C'est incroyable, c'est impensable. Et dans tout ça, les croyants ont la bouche fermée. Il dit, Dieu peut faire tout ce que l'homme s'interdit de faire. Le même Dieu qui vous dit de ne pas tuer, et lui, il tue. Le même Dieu qui vous dit de ne pas rendre malade, il rend malade. Le même Dieu qui vous dit de ne pas... Non, c'est incroyable, impensable. Il tord la parole de Dieu et c'est comme ça qu'il a réussi à apprivoiser beaucoup de personnes. Il dit, si l'homme a besoin d'un tel Dieu et le reconnaît, alors il vous inculte à l'entité qu'il crée. C'est pourquoi il adore par procuration. L'homme qui a inventé Dieu, n'est-il pas plus raisonnable d'adorer un Dieu plutôt que soi-même? Il faut adorer ta propre personne. C'est toi qui es Dieu. Ce que dit le diable. Tu n'as pas besoin d'un Dieu. pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Et on entend ça dans la bouche des sorciers, dans la bouche de tous ceux qui sont dans les cercles mystiques, dans la bouche de tous ceux qui persévèrent, dans la bouche de tous ceux qui ont été enrôlés dans les cercles mystiques aujourd'hui. Voyons, voici la Bible de Satan, voici les écrits. Les écrits, nous avons les écrits nécessaires et la Bible de Satan, et nous allons continuer à déchiffrer cette Bible demain à partir de 20h. Demain à partir de 20h, il dit des vampires qui ne sucent pas le sang. Il dit des vampires qui ne sucent pas le sang. Satan représente la responsabilité pour le responsable. Au lieu de se soucier de leur devenir, de nombreuses personnes pratiquent un art qui consiste à rendre responsable et à culpabiliser d'autres de leurs contemporains sans aucune raison. Sans aucune raison. Il dit le satanisme met en lumière ce sensu. Vous voyez, quand beaucoup de pasteurs disent aujourd'hui que vous faites l'apologie de Satan, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes des satanistes. Beaucoup d'églises, quand tu parles déjà de Satan, ils disent que vous faites l'apologie de Satan, donc ils sont eux-mêmes des satanistes. Donc ici, ils disent que les gens sont en train de mentir, les gens sont en train d'accuser d'autres en disant qu'ils sont des vampires. C'est ce que Satan dit. Donc il protège tous ceux qui sont des vampires, il les protège. C'est comme dans les soi-disant églises de réveil, où on ne mentionne même pas le nom de Satan ni démon dans la prédication. Ils vous disent tout simplement, prêchez la parole. Ce sont des sorciers, ce sont des satanistes. Comment faire pour dénicher et comment faire pour discerner la présence d'un esprit, d'un démon dans le corps de celui qui prêche? Il va finir la prédication. Il ne te dira pas que le diable a fait ceci. Il ne te parlera pas aussi de la nouvelle naissance. Il ne touchera pas réellement l'œuvre de Satan dans le monde. Il ne parlera pas de ça. Il dit, le diable dit, ce type de personne peut être trouvé dans n'importe quelle couche sociale. Voici, et nous allons continuer à déchiffrer. Il dit complaisance par contrainte. Donc des titres vraiment un peu sur le choix du sacrifice humain. Sur le choix du sacrifice humain. Vous avez là le titre hein, dans la Bible de Satan. Sur le choix du sacrifice humain. Le but recherché en exécutant un sacrifice du ciel est de projeter l'énergie fournie par le sacrifice sur le plan astral afin d'intensifier les chances. Vous entendez? Est-ce que vous suivez? Il dit, sur le choix du sacrifice humain, le but recherché en exécutant un sacrifice rituel est de projeter l'énergie fournie par le sacrifice sur le plan astral afin d'intensifier les chances de réussite du rituel, dont la personne qui offre le sacrifice. Vous voyez comment ça fonctionne chez eux. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile avec force et puissance. Parce que vous êtes là face à un document venant de l'abîme des ténèbres qu'on appelle la Bible de Satan. La Bible de Satan. La Bible de Satan. Voici la Bible de Satan. Et nous sommes en train de déchiffrer tout ce qui est écrit là-dedans. C'est contre toi qui a réussi à être sauvé. C'est contre toute l'humanité. Et Satan a renversé la parole de Dieu. Donc, il dit le contraire. Il enseigne le contraire à ses agents, ordonnant même à ses agents de vous maudire, de maudire les enfants de Dieu. Il demande à ses agents, aux sorciers, de maudire 3 fois par jour. Il dit, tu es condamné à vivre dans la pauvreté. Tu es condamné à vivre dans la misère. Et que l'argent du monde, les richesses du monde, c'est pourquoi par télépathie, le diable a attaqué le subconscient des prédicateurs qui disent que les richesses, c'est Satan, la gloire, c'est Satan, et tout ce qui est prospérité, c'est Satan. Et c'est pourquoi, quand tu prêches l'évangile, tu parles d'argent, tu parles des richesses, on dit que c'est l'évangile de prospérité. Ces gens sont attaqués en pensée, ils sont attaqués en pensée par télépathie, et Satan les maintient dans un état de pauvreté pour enrichir beaucoup plus encore ses agents. Et Satan continue à vous maudire. Maintenant, nous allons s'élever pour renverser tout cela. J'ai dit, on va s'élever pour renverser tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et je vais relire. là où il a maudit. Parce qu'il dit ici au chapitre 5, et toi tu vas commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Satan dit dans sa Bible, il dit béni soit les forts. Les forts sont ceux qui le suivent. Les forts sont ceux qui sont dans les cercles mystiques, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Il dit pour qu'ils possèdent la terre. Béni soit les forts pour qu'ils possèdent la terre. À partir de maintenant, renverse cette phrase au nom de Jésus. C'est toi qui dois posséder la terre. Et la terre avec tous les hommes. Satan possède la terre avec tous les hommes, avec tous les êtres humains, pour les conduire en enfer. Renverse cette phrase au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et il ajoute, maudits seront les faibles pour qu'ils héritent les carcasses. Il dit, les enfants de Dieu doivent hériter les carcasses. Toi, tu ne dois pas hériter les carcasses. Tu dois hériter le premier choix. Parce que Dieu a dit, tu es la tête. Dieu a dit, tu es la tête. Et Satan dit, toi, tu dois hériter les carcasses. Tu ne vas jamais hériter les carcasses au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne vas jamais hériter les carcasses au nom de Jésus. Moi, je ne vais jamais hériter les carcasses au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler, il n'a jamais prononcé le nom de Jésus dans sa Bible. Parce qu'il est incapable de prononcer le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. C'est pourquoi tu dois détruire ces malédictions sataniques par le nom de Jésus-Christ. Tu dois renverser tout cela. Il dit dans ses phrases, il dit « Béni soient les puissants pour qu'ils soient révérés parmi les hommes. » C'est pourquoi tu es humilié. Les enfants de Dieu sont humiliés. Satan donne la révérence. Satan donne la gloire à ses agents. C'est pourquoi ceux qui jouent au football, ceux qui jouent à la musique, dans les affaires, dans la politique, font allégeance à Satan. Parce qu'il dit que ce sont ses agents qui doivent être bénis, qui doivent être révérés parmi les hommes. Il dit, maudits seront les faibles pour qu'ils soient rayés, pour qu'ils soient rayés, rayés, rayés. Il appelle qui faible? Il appelle Jésus faible, il appelle tous ceux qui suivent Jésus faible, alors qu'il est en train de mentir. Et les gens croient à ça. À partir de maintenant, je dis ceci au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. La personne, si c'est Jean qui dit, tu fais la publicité de Satan, fais pas la publicité, on dénonce. Et comme tu es agent de Satan toi-même, tu as peur parce que on dénonce, on ne fait pas la publicité, nous devons dénoncer. Jésus-Christ a dit, ce qui est dit dans en cachette, prêchez-le sur les toits. Prêchez ça sur les toits parce que tu as peur. C'est par télépathie que Satan est en train de faire quoi? Satan est en train de faire quoi par télépathie? D'attaquer les têtes, les subconscients des croyants pour dire que vous faites la publicité. On ne fait pas la publicité parce que on ne dit pas aux gens de croire au Seigneur, au diable, de fuir. Dieu, Jésus-Christ m'a parlé du diable. Jean chapitre 8, verset 43 à 44, il dit, vous avez pour père le diable. Il a parlé des démons. Si tu ouvres la Bible dans le livre de Marc, il a passé le temps à parler des démons. Il ne faisait pas la publicité des démons, monsieur. Monsieur, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous vous effacez. Et vous êtes des agents de Satan sous le déguisement, sous la peau des brebis que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu dénonce ce qui est fait dans les ténèbres. Jésus a dit de prêcher ce qui est fait dans les ténèbres sous le toit. Sur le toit, de prêcher ce qui est fait sous les ténèbres. Pourquoi ça peut t'énerver, toi qui se dit enfant de Dieu? Qu'on dénonce ce qui est fait dans les ténèbres, ça veut dire que toi-même tu es enfant de Satan. Par la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus. C'est comme ça que Satan a attaqué la pensée des enfants de Dieu. Il dit, ne parlez pas de moi parce que vous allez faire ma publicité. Moi, je dois parler, je dois dénoncer. Tu montes, tu descends, je dois dénoncer. Je dois dénoncer. Quand il passe autant à te maudire, est-ce que tu sais qu'il te maudit? Tu sais qu'il maudit tes affaires? Il dit ici, dans leur verset 4, il dit, béni soient les victorieux pour que la victoire soit la base du droit. Il dit, maudit soient les vaincus. Qui est vaincu? C'est un enfant de Dieu. Il appelle un enfant de Dieu vaincu. Et vous vous comportez comme les vaincus. Les enfants de Dieu de nos jours se comportent comme les vaincus. Ils se comportent comme les vaincus. Ils ne peuvent pas parler. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour critiquer plutôt au lieu de parler. Il dit, béni soient les destructeurs des faux espoirs. C'est qu'est-ce qu'il appelle? C'est la foi chrétienne qu'il appelle faux espoir. Et c'est ce qu'il enseigne également à ces gens. Et ce qu'il dit également à ces gens, il dit, maudits soient les adorateurs de Dieu pour qu'ils restent de pauvres moutons. pour que nous puissions rester de pauvres moutons. Dieu, le diable te maudit tous les jours. Et quand on parle de ça, tu commences à dire qu'on fait la publicité de Satan. Je préfère dénoncer. Je préfère dénoncer. Parce que Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable. Il a parlé du diable plus que quiconque dans la Bible. Il a parlé du diable plus que quiconque. Toi, tu es qui? Parce que tu as peur. Les enfants de Dieu ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de dénoncer. De dénoncer, mais Satan fait la publicité publiquement. Il vous insulte publiquement, il vous critique publiquement, il vous maudit publiquement et vous restez la bouche cousue. Béni, il dit ceci, béni soient les vaillants pour qu'ils obtiennent de grandes richesses. Les vaillants sont qui? Ceux qui sont vaillants, ces agents qui sont vaillants sur les réseaux sociaux, qui sont vaillants dans ton quartier. Ces agents, les agents de Satan qui sont vaillants dans ton église même, dans ta bouche, les démons, les sorciers qui sont vaillants. Et qu'est-ce qu'il dit des chrétiens? Il dit, maudits seront les croyants dans le bien et le mal. Il dit, maudits seront les croyants en Dieu. Qui dit ça? C'est Satan. Et vous dites quoi? Vous dites que vous faites la publicité de Satan? Vous êtes des agents de Satan, vous êtes des sorciers. Pourquoi? C'est pourquoi vous avez peur. Vous avez peur que votre père, le diable, ne puisse vous cribler. Mais moi, Jésus-Christ a dit, vous avez la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il parlait de qui? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous faire. Rien ne pourra vous nuire. Personne ne peut vous toucher. Même pas un cheveu sur votre tête ne peut jamais tomber sans la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre à Satan, à un sorcier, à qui que ce soit, de te toucher, toi qui es enfant de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans leur verset, il dit, béni soit l'homme qui a quelques ennemis pour qu'il fasse de lui un héros. Maudit est celui qui fait du bien à un ennemi. Maudit, or Jésus-Christ dit, fais du bien aux ennemis, mais le diable vient et dit de ne pas faire du bien aux ennemis. Et puis toi, tu viens, tu dis, vous ne devez pas parler de ça parce que vous faites la publicité à Satan. Mensonge. Entre les ténèbres et la lumière, qu'est-ce qui est plus fort? C'est pas la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et le diable continue à dire à ses agents, qu'ils sont dans la lumière avec votre permission. Vous, avec votre permission. Parce que vous ne pouvez pas parler. Alors que c'est nous qui avons la lumière. Et vous dites que oui, ils font la publicité de Satan parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. On ne peut pas détruire sans dénoncer. On dénonce d'abord. C'est pourquoi la sorcellerie domine dans tes entreprises, dans tes projets, dans ta vie, parce que tu ne peux pas dénoncer. Jésus-Christ a prêché sur ça. Jésus-Christ a enseigné à plusieurs reprises. Il nous a ordonné en disant ce qui est dit dans les ténèbres. Vous devez prêcher ça sur les toits, de prêcher, de dénoncer ce qui est fait dans les ténèbres. Je suis en train de dénoncer ce qui est fait dans les ténèbres. C'est ce que moi je suis, parce que vous avez peur. Vous avez peur. Vous savez, la Bible déclare que dans le livre de Marc au chapitre 3, verset 27, personne ne peut... J'appelle le frère, le pasteur. Il est en train de m'appeler là. Il coupe. Oui. Il faut l'appeler parce qu'il est en train de m'appeler là. Il coupe le message. Donc, dans son évangile de Marc, Marc insiste principalement sur le fait que Jésus accordait une importance toute particulière à la défaite de Satan. Jésus, lui-même, à la défaite de Satan. C'est pourquoi il parlait de Satan et des puissances démoniaques. Dans Marc chapitre 3, verset 27, il a parlé de ça. Les démons, dans le Nouveau Testament, il fait souvent référence à des personnes habitées par les démons, par les esprits que Jésus avait chassés. Ils étaient oppressés, ils étaient influencés par Satan. En entrant ainsi en conflit avec Jésus, l'évangile de Marc, par exemple, relate plusieurs de ces rencontres. Dans Marc chapitre 1, verset 23 à 28, vous allez lire verset 23 à 28, comment ils sont entrés en contact, en opposition avec Jésus-Christ. Vous allez lire Marc chapitre 3, verset 10 à 12. Également chapitre 14, verset 15. Et vous allez lire également dans le livre, il dit, les démons sont des êtres spirituels dotés d'une personnalité et d'une intelligence. Jésus en a fait écho. Pourquoi aujourd'hui un enfant de Dieu ne peut même pas dénoncer parce qu'il a peur? On a devant nous la Bible de Satan. Et tout ce qui est dit, et moi je veux prêcher contre ça ce jour-ci. Je veux prêcher, tu le veux ou pas. Je ne t'ai pas appelé sur ma page Facebook, s'il te plaît. Tu peux partir parce que tu es un agent de Satan. Tu es un sorcier. Tu ne veux pas que les œuvres de ton père, Satan, soient dévoilées. Et moi, je vais continuer à dévoiler. Ils font la publicité de Satan. Mais tu prêches quoi alors? Tu prêches quoi? Le péché, ce n'est pas Satan. Le vol, ce n'est pas Satan. Le mensonge, ce n'est pas Satan. Et tout ce que tu vis toi-même, tu es en train de le dire maintenant, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui est en train de t'inspirer pour dire ce genre de bêtises. C'est toujours Satan, par télépathie, qui est en train de faire ces choses dans ta tête. Jésus a promis aux croyants véritables qu'ils auraient autorité sur la puissance de Satan. Pourquoi Jésus parlait de ça? Parce qu'il croyait qu'il savait que Satan existe. Et il parlait de ça, il dit, vous aurez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons cette puissance. Et le Saint-Esprit est descendu. Hein? Pour ce faire, voici quelques étapes personnelles que nous devrions suivre spirituellement pour reconnaître que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et la puissance du malin. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Comment tu peux lutter contre une puissance que tu ne connais pas? Vous faire la puissance de Satan. Éphésiens 6, verset 12. Vivre devant Dieu étant consacré à sa vérité et à sa justice. Là, tu as la victoire sur les démons. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, également, verset 14. La Bible parle également de comment nous pouvons avoir la victoire sur les princes des ténèbres. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Il dit, voici au chapitre 13 et chapitre 13, chapitre 14, Éphésiens chapitre 12 d'abord, chapitre 13, verset 14. Il donne des armes pour lutter contre les puissances des ténèbres. Les armes pour lutter contre les puissances des ténèbres. Nous sommes dans le livre de Paul, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, mais au verset 13, c'est le verset 13 qui m'intéresse beaucoup encore. Vous lisez le verset 13 et chapitre 6, parce que ceux qui viennent bavarder, ils ne lisent même pas la Bible. Alors voici ce que la Bible dit au verset 13, verset 14, chapitre 6, il est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Alors, on fait la publicité, ça veut dire que l'apôtre Paul fait la publicité du diable. Mensonge, parce que vous êtes des agents de Satan et vous ne voulez, vous venez vous cacher, ils viennent se cacher dans les églises et ils sont en train de persécuter les vrais croyants, les vrais serviteurs de Dieu qui dénoncent. Vous êtes des sorciers, des sorciers, des sorciers et également des sorciers. Je dis des sorciers, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Il dit, prenez par-dessus tout cela. Mais auparavant, tu dois d'abord lutter. Tu dois d'abord lutter. Et vous dites, oui, il fait la publicité de Satan. Il fait la publicité de Satan. Mensonge, agent de Satan. Agent du diable. Donc, demain, il y a encore une deuxième partie dans cette Bible-là que nous allons aborder. Mais tu dois détruire toutes les malédictions. Là, tu as compris que Satan passe le temps à maudire les enfants de Dieu. Les sorciers passent le temps à maudire les enfants de Dieu. Nous devons également, c'est-à-dire riposter. Si tu ne le fais pas, ils vont te dominer. Ils donnent des instructions, ils enseignent. Les enfants de Dieu ne veulent pas se laisser enseigner. Ils pensent que ça viendra, ça va tomber du ciel comme ça. C'est quand tu vas lire la parole de Dieu que tu vas comprendre que tu as... La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. » Les forteresses de qui? Ce n'est pas Satan. Et comment tu peux connaître les forteresses si on ne les dénonce pas? C'est en dénonçant ces forteresses. Voici l'une des forteresses qui est le mensonge, qui est la soi-disant Bible de Satan. Voici l'une des forteresses que nous devons absolument lutter, tuer, détruire. Détruire. Et demain, ça sera une soirée exemplaire. Une soirée exemplaire pour détruire toutes ces malédictions qu'il lance chaque nuit sur toi, que les démons lancent chaque nuit sur toi. Et toi, tu dois recevoir le Seigneur pour avoir la puissance. La Bible dit, dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous pensez que un enfant du diable, un païen, qui va lire ces histoires et qui ne connaît pas la parole, à qui on n'a pas annoncé la parole, la bonne nouvelle du salut, il va croire à ces mensonges. Et c'est pourquoi quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu ça sur Internet, j'ai commencé à lire les commentaires, il faut voir comment les gens apprécient ces mensonges de Satan parce que ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir de quoi? Il va vous affranchir des mensonges de Satan. De ces mensonges que nous sommes en train de dénoncer. Et si nous ne dénonçons pas, les gens vont continuer à croire. Mais nous devons dénoncer en présentant Jésus comme Jésus qui est le seul sauveur de l'humanité. Et c'est pourquoi le diable lutte pour que les gens ne croient pas. Il passe le temps à nous calomnier parce qu'il sait que si nous prêchons l'évangile, si nous demandons aux gens de naître de nouveau, de ne pas devenir religieux, d'appartenir à une religion, parce que là, le diable n'a même pas parlé de la nouvelle naissance. Pendant toute l'existence, pendant toute cette Bible de Satan, il ne parle pas de la nouvelle naissance, il ne mentionne même pas le nom de Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Le nom de Jésus ne ressort pas là. Il parle de Dieu. Dans toutes les religions, on parle de Dieu, mais pas de Jésus dans la vérité. Quand un homme de Dieu prêche la nouvelle naissance, je dis bien la nouvelle naissance dans les détails, où il te demande de recevoir Jésus, reconnaissant que tu es né dans la perdition. Tu es né ayant pour père le diable. Et tu dois recevoir le Seigneur Jésus pour qu'il te délivre du péché originel, pour qu'il te délivre des malédictions héréditaires, pour qu'il te délivre du péché personnel et en même temps des malédictions personnelles, en se répandant, en identifiant tous ces péchés. Lorsque tu vas les identifier, tu verras donc la puissance de Jésus descendre sur toi, la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu vas les identifier, en se répandant, tu verras la puissance du Saint-Esprit descendre sur toi. Et tout ce que nous lisons ici dans la Bible de Satan, Satan n'aura plus d'impact. Ses actions et aussi ses calomnies, en même temps ses malédictions, n'auront plus d'impact dans ta vie. Il va lancer les sorciers au quartier comme il demande à ses sorciers de nous maudire. Et si tu, parce que toi, tu es couvert du sang de Jésus. Et tous ceux qui me suivent aujourd'hui, vous êtes couverts du sang de Jésus. Moi, je suis couvert du sang de Jésus. Ma maison est couverte du sang de Jésus. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ta vie est couverte du sang de Jésus. Tes affaires sont couvertes du sang de Jésus. Ton mariage couvert du sang de Jésus. Tes projets sont couverts du sang de Jésus. Ton âme est couverte du sang de Jésus. Et toute ton existence est couverte du sang de Jésus. Et les anges sont en train maintenant de couvrir toute ta maison. Les anges sont en train de couvrir toute ta maison. Il y a une palissade. Il y a une clôture venue du ciel. Il y a une armée. La Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Il y a une armée qui est descendue du ciel depuis que je parle. Parce que tu as la foi. Tu sais que le diable ne peut rien. C'est lui qui en toi est plus fort. Dénonce comme tu veux. Parce que c'est lui qui en toi est plus fort. C'est lui qui en moi est plus fort. Le diable ne peut pas entrer là où tu dors. Il ne peut pas entrer. Le sorcier ne peut pas entrer. Est-ce que tu le sais? Le sorcier, le démon ne peut pas entrer. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, il ne peut pas entrer. Par l'autorité de Jésus, par le sang de Jésus, il ne peut pas entrer. Je te couvre du sang de Jésus. J'ai dit, je te couvre du sang de Jésus. Je te couvre du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, tout démon qui peut entrer dans ta vie, tu es libéré au nom de Jésus. Le sang de Jésus, j'arrose le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus dans ta vie. Et je détruis toutes les imprécations, toutes les malédictions que le sorcier a prononcées au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qu'il a prononcées au nom de Jésus, je détruis ces malédictions que les sorciers prononcent parce qu'ils ont reçu l'ordre de leur maître Satan pour prononcer les malédictions sur les ministères, pour prononcer les malédictions sur les églises, pour prononcer les malédictions sur les enfants de Dieu. Mais sache une seule chose, que le sorcier ne peut jamais te maudire. Parce que le diable, il ne peut rien lorsque tu es né de nouveau. Parce que toi, tu es né de nouveau et le diable ne peut absolument rien à partir du moment où tu m'écoutes. Reçois le Seigneur, tu lèves tes mains, tu commences à dire, je reçois Jésus-Christ, je confesse que je suis né avec le péché originel, je confesse que je suis né avec des malédictions originelles, je confesse également que je suis né étant condamné, mais j'ai entendu aujourd'hui que Jésus est le seul sauveur et il est en train de me sauver, il est en train de me libérer. C'est lui seul qui me libère, aucune religion ne peut libérer. Et si tu crois qu'il t'a libéré, il va te libérer. Après cela, tu commences donc à nous suivre, à suivre les enseignements tous les jours, à suivre les enseignements bibliques. La Bible déclare qu'ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Tu dois commencer à persévérer maintenant. Dans les enseignements, chaque soir, tu dois commencer à persévérer. Nous lançons une campagne d'évangélisation. Et c'est pourquoi nous voulons que tous participent dans cette campagne d'évangélisation. Tout simplement, si tu participes aujourd'hui, comme tu le fais en partageant les vidéos, en parlant, monte dans les bus, monte dans les taxis, parle, dis ceci, que le monde entier est né sous le péché adamique, le monde entier est né sous la malédiction adamique et qu'il y a un seul sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Marie ne sauve personne. Et ce sont les inventions de Satan, parce que Satan sait que si tu parles de Marie, et tu n'auras pas la puissance du Saint-Esprit. Et si toi, tu parles de Jésus, tu reçois Jésus, le Saint-Esprit descend sur toi parce que le sang de Jésus t'a déjà libéré. Et c'est par la puissance du sang de Jésus-Christ que tu es libéré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Partage cette vidéo, partage encore à tout le monde. Partage. C'est la troisième fois que je prêche depuis le matin. C'est la troisième fois, vous voyez. Tous les serviteurs de Dieu doivent monter sur le créneau, doivent monter sur les réseaux sociaux. Et cette plateforme qui a été créée, c'est pour que nous puissions annoncer l'évangile. Tous ceux qui vont se joindre à moi, on aura la victoire. La victoire pour détruire tout ce que Satan est en train de faire. Il faut prendre en charge tout ce qui vient insulter les serviteurs de Dieu. Tout ce qui vient, il faut également les maudire. Parce qu'ils peuvent en maudire, renvoyer cette malédiction sur eux. Quand ils viennent insulter, ne fermez pas la bouche. Ne fermez jamais la bouche. Faites également des commentaires. Mettez les cœurs parce qu'ils sont en train de nous signaler sur Facebook pour qu'on ferme le compte. Mais vous devez aussi mettre les cœurs. Que tu aimes ce qui est fait. Et Facebook verra qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment. Ils ne veulent pas fermer. Parce que si vous laissez les sorciers le faire, vous venez tout simplement pour critiquer. Vous faites la présidence. Vous faites ceci. C'est vous qui êtes réellement les sorciers. Ceux qui viennent seulement, ces 10 ans chrétiens. C'est disant que vous n'êtes même pas des chrétiens, vous êtes des bandits spirituels qui se cachent dans la foi chrétienne, incapables d'annoncer l'évangile. Votre pouvoir, c'est de critiquer alors que vous êtes incapables d'annoncer l'évangile. Vous êtes dans la malédiction satanique démoniaque. Et cette malédiction que Satan prononce contre les chrétiens va tomber sur vous et non sur ceux qui combattent et non sur ceux qui apprennent. C'est pourquoi inscrivez-vous, que ce soit à nos retraites, inscrivez-vous pour apprendre. La retraite, c'est le 13. Inscris-toi. Il y a le numéro là qui va s'afficher au-dessus de cette vidéo. Vous vous inscrivez et vous allez encore apprendre beaucoup de choses à ce sujet. À partir du 13, il y a une grande retraite. Et à partir de demain aussi, nous entamons un séminaire très spécial. Très, très spécial en termes de nation Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, un séminaire très, très spécial où nous allons également renverser, détruire tout ce que nous sommes en train de faire avec des actes prophétiques. Partagez la vidéo et allez également sur notre chaîne YouTube Temple de Nation. Il y a notre site internet aussi qu'on appelle www.lemondesurnaturel.net. Et là, dans ce site, vous pouvez avoir toutes les informations et aussi notre application Canal Vie. L'application Canal Vie, vous allez sur Google Play ou bien Play Store. Vous téléchargez l'application Canal Vie, vous téléchargez et là dans l'application, vous avez la chaîne de télévision Canal Vie, vous avez la radio Fréquence Vie, vous avez également le site www.lemondesurnaturel.net. Avec ça, vous avez toutes les informations concernant le Seigneur Jésus, concernant également tout ce qui est possible pour avoir la victoire. Et il faut vous inscrire avec le numéro 0033. 643 98 92 24. C'est un numéro. Avec ça, vous allez vous inscrire dans cette école. Une école qui apportera de la connaissance dans le combat spirituel, qui apportera de la connaissance pour dénoncer tout ce que je suis en train de dire. Vous vous inscrivez, vous aurez la connaissance. J'ai dit ce matin quand je prêchais qu'il n'y a pas de croissance sans connaissance. Il n'y a pas de croissance sans connaissance. Vous voyez que les gens sans connaissance viennent plutôt combattre l'évangile. Alors que le vrai évangile, c'est dénoncer les œuvres de Satan. Le Fils de Dieu est apparu pour dénoncer les œuvres de Satan, dit la Bible. Mais eux, ils viennent pour combattre parce qu'ils manquent de connaissance. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de croissance dans leur vie. Soyez des nôtres, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce continue à vous toucher d'une manière particulière. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h sur le direct. Et nous allons continuer à dénoncer ces histoires sataniques et démoniaques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.